Section 4 de Contes, anecdotes et récits canadiens de A. Filiatro. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le coq et la mère supérieure. Un jour, le curé de Saint-Eux rendait visite à la mère supérieure du couvent. Il la trouva dans un état impossible à décrire. Tant était navrant sa détresse et son ennui. Le curé, bon enfant, lui demanda la cause de cet ennui. « Ah, monsieur le curé, un grand malheur nous est arrivé. Imaginez-vous que nous avions mis 12 couvées d'œufs avec un 13e sous autant de poules et nous n'avons pas eu un seul poulet. Ma révérende sœur, il faut bien se résigner. À quelle cause attribuez-vous cette affliction ?» « Je n'en sais absolument rien, monsieur le curé. Les œufs ont été pondus par nos poules, ici même. Je ne comprends pas du tout et je cherche à me rendre compte. »« Ma bonne sœur, c'est probablement la faute du coq. »« mais non, monsieur le curé, c'est impossible. Nous n'avons pas de coq. » Fille qui rit trop s'achemine vers les pleurs. Fin de section. Lue par Sandra, près de Montréal, 2026.